les allées, au marché, aux oiseaux, je suis allé au marché, aux oiseaux, pour acheter des colombes pour toi, mon amour. Au marché des fleurs pour acheter des roses. Je suis allé au marché des fleurs pour acheter des roses. Pour acheter des roses pour toi, mon amour. Au marché des senteurs pour acheter des parfums. Je suis allé au marché des senteurs pour acheter des parfums. Pour acheter des parfums pour toi, mon amour. Je n'étais pas trouvé, oh mon.